Le frère Yao, bonsoir encore, bonsoir, bonsoir. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Vous voyez maintenant que c'est calme, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être dans la même salle, dans une petite salle, vous connectez trois choses qui disent la même chose, ça va, il y aura l'interférence. Là, c'est bon, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Où est le frère Diomande? Ils sont où? Allez. Connectez la caméra sur la scène. Comment? Ils sont de l'autre côté, ça va avec nous. Voilà. Il faut qu'il se connecte. Attends, il voit s'il est là. Chaque fois, quand vous vous connectez, respectez ces principes. Ça fait plus d'une heure de temps qu'on n'a pas travaillé. Plus d'une heure de temps. Parce que tu es connecté sur ton PC. Le frère Olivier est connecté sur son ordinateur. Le frère, la soeur Yahweh est connectée. Et vous êtes dans le même lieu. Quand vous êtes dans le même lieu, le même son entre et ça sort. Ça crée des... Là, c'est clair, n'est-ce pas? Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Courage, d'accord? La soeur Yvonne, bonjour. Bonjour. Parle-moi du songe que tu as eu cette nuit. Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, même. Oui. C'est quoi? Voilà. Ça va, pas Junior? Je suis là. Okay. Parle-moi du rêve, le songe que tu as eu, Yvonne. Où est la soeur à ses tours? Elle est là. Je suis là, frère Junior. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Vous avez bien dormi? Oui, frère Junior a bien dormi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Diomandé, Côte d'Ivoire, vous êtes content, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? La soeur, c'est toi, elle debout là, elle est prête pour la prière, quoi. Oui, frère Junior. La soeur Yvonne, parle-moi des songes que tu as eus. De cette nuit, il parle de la nuit là. Parle-moi du songe que tu as eu, le songe. Que le songe disait quoi? Le rêve. Cette nuit. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Oui. Comment tu as oublié? C'est le combat, ça. Comment tu t'es réveillé aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui t'a réveillé? Aujourd'hui, c'est qui m'a réveillé parce que j'ai dormi même sans prier. Oui. J'ai dormi sans prier et je me suis réveillée très tôt parce que hier nuit je n'ai pas mangé. Oui. Et j'ai dormi sans manger, puis j'ai dormi comme ça. Donc, je suis réveillée ce matin, j'ai commencé à ranger la douche, j'ai commencé à ranger la maison comme le frère devait venir. J'ai commencé à ranger ici. Tu connais quelqu'un? Dans le rêve, tu t'es retrouvé quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas des gens. Il y a des voix qu'on entend comme ça vient de loin. Je ne me rappelle plus. Elle m'entend là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends, oui. Ok, c'est bon. On va prier pour toi, d'accord? D'accord. La sœur, c'est tout. Cherche-moi un seau et tu mets un peu d'eau dedans. Un seau, hein? Oui. La porte là, je crois que c'est fermé. Il ne faut pas que quelqu'un entre là-bas quand on va commencer la prière. D'accord. Non, c'est ok. Il n'a pas envie de vous donner. Pas de bonjour. Il n'a pas envie. sœur au dehors là-bas. Va, mets-toi. Tiens. Lima, prends ton petit frère. Non, pas non, pas là-bas. Monte à la terrasse. Très vite. La sœur Yvonne, tu attendais, oui. Tu attendais ce moment-ci avec persévérance, n'est-ce pas? Avec patience. Ah, j'attendais ça. 9 heures là, comme ça, tu as lancé la paix. Tu as dit que frère Junior là, il est où? Tu savais, pas toi aujourd'hui, pourtant, ta petite allait. Moi, là, je ne me lève pas vite. Hein. Mais aujourd'hui, là, je me suis vite réveillée pour arranger ici, pour laver la douche, pour attendre le festival, pisser, tout. Il a commencé à arranger. Et ça, il a commencé à faire. On va prier maintenant. La distance n'est pas un obstacle pour le Seigneur, mais c'est un autre canal pour manifester l'autre partie de sa suprématie, pour montrer qu'il a le contrôle sur les distances, n'est-ce pas? Amen. Et c'est la voie. La voie parcourt avec la vitesse de la lumière, la voie. Amen. Alors, il y a le frère Jomandé, je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas connectés, parce que c'est quand même terrible avec cette histoire-ci. Parce que je ne voudrais pas qu'on commence la prière là et il commence à appeler. Ils sont affichés sur les camps. Ils sont affichés, justement, ils sont là. Je les vois, mais ils sont affichés chez vous là. Oui, ils sont affichés sur notre écran. Bon, pourquoi je ne les vois pas alors? Bon, je raccroche là et puis je rappelle pour voir si ça va les prendre, d'accord? Mais pourquoi je ne vois pas les frères? Il écrit ici qu'ils sont connectés, mais je les vois. Vous les voyez? Non, bon, pour moi, non. Ils disent qu'ils attendent l'appel. Ouais, je vais avoir un message. Non, les deux, ils n'ont pas cliqué en bas sur le groupe. C'est ça, la sœur Assetou. Tu es habitué à cela, donc tu connais déjà. Ils n'ont qu'à rejoindre le groupe. Ah, la sœur Assetou. Ah, voilà. Ils écrivent là-bas, ils attendent l'appel, alors qu'on est déjà là, on est déjà dans le groupe. Ils doivent seulement rejoindre le groupe. Rejoindre le groupe, c'est tout. C'est pas compliqué, même. Tu rentres dans la chose, tu as pu rejoindre le groupe, c'est tout. Voilà. Voilà, même le frère Olivier Angara connaît ça, quoi. C'est le fait d'appeler dans mon message. Mais t'as plus d'une vie. Il faut pas voir. Quand on est en train de réveiller. Oh, regarde. on a pu le faire passer. On peut commencer parce qu'on a vraiment, vraiment bouffé le temps là. Normalement, il doit être en train de travailler le Cameroun maintenant à 7 heures. Ils vont commencer à appeler là. Donc, il faut qu'on prie. Prenez la Bible. Frère Yao, prends la Bible. Tu es prêt? Oui. Bon, attends un peu, il parle au frère. C'est. Bon, je crois qu'on va, on va continuer pour la prière. Ouvre Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. Allô, ils n'ont pas, appelé. Ils ont été en bas, groupe les joueurs. En bas, juste de groupe. Oui, frère, c'est bien. On n'a pas le frère. Attends que le sein est tout fini, non? Ah, cette histoire, elle a fini. Elle a au téléphone. Oui, il faut qu'elle finisse parce que on veut pas parler pendant qu'elle a de parler. Ça n'a plus le temps de faire avant de. Ça va Même une souris, on veut faire. Même on est en train de manger, on est en train de tuer. Comment les enfants là, vous êtes en train de faire? Ils sont morts. Maintenant, après, je demandais de couper votre micro, coupez votre micro et vous écoutez ce qui va se passer de ce côté-ci. Coupez le micro, coupez le micro. D'accord. Donc, et vous écoutez les instructions telles que ça se passe passer de ce côté. Voilà, merci beaucoup. Prenez la Bible maintenant, ouvrez le livre de Marc au chapitre 11. Vous avez assez mangé les arachides comme ça. En tout cas, oui. La salle, c'est tout, c'est bon, non? C'est bon. Tu as ton téléphone fermé déjà, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Christine, que Dieu vous bénisse là-bas. La maman de Chabda, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, mais où est le frère Eden? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Oui. Ok. Il travaille aujourd'hui. Ok. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Maintenant, Marc chapitre 11, les versets 23 à 26. Frère Yao, qu'est-ce que ça dit? Il faut lire. C'est la suite de votre 23 à 26. Il est écrit, Marc chapitre 11, versets 23 à 26. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je vais toute votre attention maintenant. Toute votre attention. Et chez le frère Paul Espérance et ici chez la soeur Yvonne. Ce qui est sur le point de se passer maintenant, vous allez voir exactement ce qu'il en est. Et vous m'entendez de l'autre côté là chez Diomandé, vous m'entendez bien? Ok, c'est bon. Donc faites seulement signe. N'ouvrez pas le micro parce que chez vous là-bas le bruit c'est grave. Ce qui est sur le point de se passer maintenant, c'est la mise en exergue de l'écriture. Le Seigneur dit là que si on dit quelque chose et qu'on croit que ce qu'on dit arriver, on verra arriver. Maintenant, votre soeur qui se tient aussi devant moi, je suis en train de regarder une ombre au-dessus d'elle. Elle a une ombre. Elle a une ombre. Mais cette ombre, si elle est noire, mais dans sa jeunesse, cette ombre-ci était lumineuse. Cette ombre-là l'a conduit dans beaucoup de dérèglements. Mais il y a un premier principe du pardon. Le pardon amène d'abord la guérison. La première guérison, ça veut dire que ça amène la restauration. On doit prier pour chasser cette ombre-ci parce qu'il y a beaucoup de luttes au-dedans d'elle et de luttes au-dehors. Frère Yao et frère, je veux votre main, s'il vous plaît. Je veux la main de frère Yao et le frère Olivier. Voilà. Les deux? Oui, oui, les deux. Vous allez utiliser vos membres maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les mains de tes enfants tendues au-devant de toi. Seigneur, ils sont l'extension même de tes membres. Et tu as dit, offrez vos membres comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. J'ai prié au Père de gloire qu'il soit un sacrifice vivant pour toi maintenant, saint et irréprochable, pour que tu puisses les utiliser au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frère Yao, quitte la position, la place ta soeur au milieu. Qu'elle soit au milieu, et c'est toi qui prends sa position. Oui. Vous êtes prêts? Oui, amen. Vous de l'autre côté, observez tout simplement avec votre cœur, observez ce qui se passe maintenant. Le frère Olivier Angora met ta main droite sur son dos. sur son dos tout simplement. Voilà, le frère Olivier Angora, met seulement la main sur son dos. Maintenant, frère Yao, c'est toi qui commandes à cet esprit-là, tout esprit de ténèbres qui est dans son corps, que ça sorte maintenant. Allons-y, elle est entre vos mains maintenant. Je commande tout esprit qui n'est pas Dieu. Tout esprit impur, je commande de quitter ce corps. Tout esprit impur ne vient pas de Dieu. Je commande. Je commande. Dans le nom puissant de l'enseignant Jésus de Nazareth. Je commande. Je te commande la laisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Laisse-la. Je vous commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la. Je vous commande. Je vous commande. Frère Yao, comment ça c'est une sirène des eaux? Comment que toi sirène des eaux? Elle sort de ça, c'est une sirène des eaux. Comment lui comment le quitter? Où elle a cette amène-moi cette. J'ai demandé qu'elle apporte le seau. Elle va vomir. Elle va sortir ça. Où elle a fait Yao? Où elle a fait assez tout? Amène ce seau là. Il faut que tu vomisses ça dedans. Avec de l'eau là. Je te commande maintenant d'écouter. Ouais, la soeur qui apporte le seau là, tu places au devant de sa bouche, elle doit vomir là-dedans. Il faut que ça sorte. Frère Yao, continue. Sors! La sirène des autres, je te commande maintenant de la quitter. Je te commande dans le nom puissant de Jésus qui nous arrête. Je te commande maintenant. Je te commande maintenant. Quitte-la! Quitte-la! Donc, fais aujourd'hui. Fais aujourd'hui. Plus, plus sa vie. Plus ta vie. Elle ne s'appartient pas. Tu es qui? Comment on dit? Tu es qui? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'esprit impur. L'esprit impur. Qui est là? Je sais ce que je veux dire. T'as pas de tête à ma tête. T'es trompé. T'es trompé. Malade. Je suis comment nous n'êtes pas malade. Je suis Nazareth là, libre pour le Dieu. Elle vous appartient pas. Comment nous? On est dans son corps. Mais écoute, on donne le Dieu de quitter ce corps le Dieu. Je nous ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis ça au nom de Jésus. Libère ce corps. Je te donne l'esprit de l'eau. Continue, je te commande de quitter ce corps. Libère-la. Libère ce corps. Je te commande aujourd'hui. C'est ta fin. C'est ta fin. Ça brûle. C'est ta fin. Ça brûle le c'est corps. C'est ta fin. Ça brûle mon corps. Libère ce corps. Ça brûle le corps. Libère ce corps. Pardon. Libère ce corps. Ah. Maintenant. Allez. Maintenant. Maintenant. Je t'ordonne de quitter ce corps. Maintenant. Maintenant. Maintenant, toi, si tu n'es plus la cigarette des eaux. Libère ce corps aujourd'hui. Cet corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en donne aujourd'hui. Je t'en donne aujourd'hui. Tout ce corps. On a mélangé ça. Pourquoi? Frère Yao, avance ta main droite et impose sur sa tête en commandant. Amène ta main droite. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande aujourd'hui. Je te commande maintenant. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande dans le nom de Jésus. C'est sa fille. C'est ta fille aujourd'hui. Libère sa vie aujourd'hui. Dis ce corps aujourd'hui. Dis ce corps aujourd'hui. Je t'ordonne. Je te commande. Je te commande tout esprit à vie. Je te commande tout esprit démoniaque. Je vous commande aujourd'hui. Je vous commande aujourd'hui. Tout ce corps. Sors de ce corps. Sors. Sors d'elle. Écoutez. Sors. Cet esprit-ci, c'est sa famille. C'est un esprit de la famille. Donc cette divinité, c'est le Dieu de la famille là-bas. La famille, c'est cet esprit. Elle est consacrée à cette famille-là. Cet esprit. Je te commande maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Je te commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande aujourd'hui. Je te commande aujourd'hui. Je te commande. Tout esprit impur. Tout esprit, Dieu m'en a de quitter ce corps. Je vous en donne. Je vous en donne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je te commande. Je te commande. Maintenant là. On ne veut pas partir. On ne veut pas partir. On ne veut pas partir. On ne veut pas partir. Je te commande de sortir ce corps. On ne veut pas partir. Je vous commande. On est dans ses cheveux. Je vous commande. On est dans sa tête. Je vous commande. On est dans ses œufs, dans son sang. Je vous commande maintenant. Je vous commande. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors de dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande. Je vous commande. Maintenant, sors d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous commande maintenant. Maintenant. Arrêtez-la. Oui. Maintenez-la. Continue. Je te commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commande tout ce système, tout ce problème sort de son corps. Je vous commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Lâche-la. Lâche-la. C'est ta fin. C'est ta fin. Tu peux rien. Toi, c'est ta fin. Toi, la sueur des autres. L'esprit impur. Tout esprit démoniaque. Je vous commande maintenant. Dans le nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Libère-la. Libère-la. Laisse-la. Je commande maintenant. Maintenant, ne parle pas avec elle, commande, ne parle pas avec elle. N'entre pas dans ce jeu, la commande. Je vous commande maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant. Non, je te commande. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je te commande. Je te commande maintenant. Sois de ce corps. Tout l'esprit impur. Tout l'esprit démoniaque. Je vous commande maintenant. La sirène des eaux. L'esprit impur. L'esprit démoniaque. Je vous commande maintenant. Maintenant là. Je te commande. Je vous commande maintenant là. Je t'ordonne de quitter ce corps. Je t'envoie. Je vous envoie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous commande de quitter ce corps. Je vous commande. Tout esprit impur, esprit de l'eau, esprit démoniaque. Je vous commande au nom puissant de ton Seigneur Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Sors maintenant. Sois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois maintenant. Je t'ordonne. C'est ta fin. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin. C'est ta fin aujourd'hui. Tu l'as trop mandulé. Jésus n'a pas aujourd'hui. Libère ce corps. Elle t'appartient pas. Elle vous appartient pas. Je vous ordonne aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande maintenant. Je vous commande de lâcher ses cheveux. Je vous commande de quitter sa tête. Je vous ordonne. Je vous commande maintenant. Lâche-la. Lâche la tête. Continue. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande maintenant. Je te commande. Quitte-la. Lâche-la. Je te commande. Tout esprit démoniaque. La sirène des eaux. Tout esprit forêt. Tout esprit de l'eau. Elle n'est plus pour aujourd'hui. Je vous commande aujourd'hui de quitter ce corps. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. Je vous commande aujourd'hui. Je l'utilise, la petite soeur. Ça, c'est la reine des eaux qui est en train de parler comme ça. Elle est en septième dimension de l'eau en bas. Commandez, celle-là, elle est puissante, vraiment puissante. Ça, c'est le serpent des mers. Commandez, qu'elle quitte. Commandez. Je vous commande maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Nous, maintenant, il se lâche là. Frère Olivier, ta main gauche sur sa tête, ta main gauche sur sa tête, frère Olivier, ta main gauche sur sa tête. Voilà, maintiens comme ça, maintiens comme ça. Commande, frère Yahweh, commande. Lâche là. Je vous commande maintenant, là, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Je vous commande maintenant. Je te commande maintenant. Lâche ta vie. Je te commande maintenant. Maintenant. Je vous commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Je te commande maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche ton corps. On est ici. Le corps, elle vous appartient. On n'est pas. L'esprit de l'eau, esprit démoniaque, je vous commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je vous commande maintenant. L'esprit de l'eau. Sa grand-mère, elle a adoré l'eau. Ton papa, on l'a donné l'eau. On a consacré le Père, consacré de l'eau. Les enfants, à nous, ils sont consacrés. C'est fait à sa vie pour toi, tu veux venir le lever. Parce que c'est la foi à Jésus-Christ. Son corps appartient à Jésus-Christ, Nazareth. Parce que son corps appartient à Jésus-Christ. C'est là que notre mère va œuvrer. Je vous commande maintenant. Je vous commande cet esprit impur. Elle les faux sens que pour nous. Elle mettait les tissages que pour nous. Elle mettait les produits sur le corps, c'est pour nous. Elle faisait porter les talons, c'est pour nous. Elle amène pour séduire, c'est nous ou quoi? Elle amène, elle détruisait les foyers. C'est nous, elle envoie en mission. Comme elle a dit qu'elle veut pour servir, on l'a injecté la maladie. Si elle travaille pour nous, on va laisser la maladie. Si elle ne travaille pas pour nous, la maladie sera toujours là. Je peux entendre Dieu. Donc, Jésus-Christ, on ne peut pas attendre Jésus. Frère Yahweh, pointe ton doigt au niveau de son ventre et commande toute sa puissance. Ne touche pas, pointe ton doigt. Je vous commande maintenant. Sors de ce corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ce corps maintenant. Sors dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant là. Je vous commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Je viens plus puissant que vous. Je vous commande maintenant. Quitte-la. Je te commande maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant de la rester. Libère ce corps. Quitte ce corps. Je te commande maintenant. Esprit impur. L'esprit des eaux. Esprit démoniaque. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Cet esprit impur, l'esprit démoniaque. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Je t'ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-la. Quitte le corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant. Quitte le corps. Vomis tous ces poisons. Libère-la. Vomis tout. Tout poison. Tout poison. Tout. Demandez. Libère tout. Tout ça, tout. Tout, tout ça, tout, maintenant. Je te commande maintenant. Je vous commande maintenant. Esprit impur, l'esprit de Dieu. Libère ce corps. Je te commande maintenant. Vomis tout, tout, tout, tout, tout. Vomis tout. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant là. Maintenant. Tout, tout, tout, tout poison. Tout, tout, chose impur, éternel s'en passe. Chante tout. Sors tout maintenant. Sors tout maintenant. Vomis tout. Je te commande maintenant. Je te commande maintenant. Tout poison que j'amène à ton pain. Tout poison. Je te commande aujourd'hui. Aujourd'hui la même. Aujourd'hui. Esprit impur. Esprit des autres. Tout esprit de l'air. Tout poison que j'amène à ton pain. Aujourd'hui, je te commande aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande aujourd'hui. Vomis tout. Tout, tout. Vomis tout. Tout. Vomis. Ça s'appuie tout. Tout poison. Je vous commande aujourd'hui. Je vous commande aujourd'hui. Vomis tout. Tout. Tout poison. Vomis. Continue. Je te commande aujourd'hui. Je te commande. Je te commande aujourd'hui tout poison. Tout manger pur. Tout manger sa vin pur. Tout le poison de ton ventre. Je vous commande aujourd'hui. Vomis tout aujourd'hui. Tout. Vomis tout. Tout. Vomis tout. Tout. Vive tout. Fais sortir tout. Je te commande. Je te commande. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Dans le nom puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous appartenait plus. Aujourd'hui, elle va servir son père. Elle va servir Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Vomis tout poison. Vomis tout poison. Tout maudit poison mais que dans votre ventre. Je vous commande maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous arrête. Je vous commande maintenant. Vomis tout. Tout, tout. Vomis tout. Tout. Vomis tout. Tout. Vomis tout. Tout. Tout. Tout. Tout. Vomis tout. Tout. Tout poison que tu as mis dans son ventre, je te commande. Je vous commande aujourd'hui. Il faut vomir tout maintenant. Vomir tout maintenant. Le puissant de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Je vous commande. Je vous commande maintenant. Maintenant, vomir tout poison. Tout poison. Je t'ordonne. Je te commande maintenant. Je te commande. Dans le nom puissant de Jésus. Rien, vomis tout. Tout poison. Tout va sortir. Tout, tout, tout. Tout. Vomis tout. Je vous commande maintenant. Nettoie tout. Tout poison. Tout impur. Que t'as mis en air. Je vous commande maintenant. Je vous commande plus. C'est mon frère aujourd'hui. C'est mon frère aujourd'hui. Je te commande. Vomis tout. Tout, tout, vomis tout. Tout. Vomis tout. Tout. Tout poison. Tout poison. Et t'as mis. Vomis tout. Tout poison. Je te commande maintenant. Prends ça dit tout. Est-ce que tu as dit. Amène tout. Mais non, non, non. Tout le salité. Tout le chose. Je te commande. Maintenant, tout poison, tout, je te commande maintenant, je te commande encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'arrête, je te commande, dans le nom puissant, je te commande maintenant, libère-toi. Son corps appartient à Jésus-Christ, Nazareth. Son corps est le temple. Son corps est le temple de Jésus-Christ, Nazareth. La fille de Jésus-Christ. Elle ne sait plus que lui. Ça va faire de sa vie. Ça va faire de sa vie pour lui. Ça va faire de sa vie pour lui. Ça va faire pour lui. Ça va faire pour lui. Ça va faire pour lui. Ça va faire pour lui. L'esprit impur. Tout poison. De la même manière. Je vous commande aujourd'hui dans le nom puissant de votre Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Je vous commande. Je vous commande. Donne tout. Donne tout. Tout. Tout. Tout. Tout poison. Tout poison. Tout poison. Et ça vous dit amen. Je te commande maintenant. Amen tout. Amen tout. Tout. Tout poison. Je vous commande maintenant. Tout. Donne tout. Tout. Donne tout. Tout. Tout. Tout. Je te commande maintenant. Je vous commande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Elle va servir son père. Elle va servir Jésus aujourd'hui. Elle ne vous appartient pas. Libère-la. Donne tout. Tout poison, je vous commande. Tout poison est pur. Je vous commande maintenant de sortir de ce corps. Je vous commande. Je vous commande encore. Vous le tout. Tout poison. Tout poison de ta mère dans son ventre. L'esprit des eaux. L'esprit démoniaque. Tout esprit impur. Qui s'en va de je vous commande maintenant. Je vous commande encore. Je vous commande. Vous le tout. Vous le tout. Tout. Tout poison. Je vous commande encore. Je vous commande. C'est la fille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fille pour lui. Elle vous sert plus. Elle vous sert plus. C'est votre fille pour lui. C'est votre fille pour lui. Priez par l'âge. Elle ne vous appartient pas. Son corps appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il donne ce corps-là. Vous voulez tout poison. Tout le monde poisonné. Tout l'esprit impur. Tu vas quitter aujourd'hui. Non, mais Jésus. Libère-la. Je n'ai aucune place. Je n'ai aucune place. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant là. Venez tout, tout, tout, tout poison. Venez tout poison. Je vous commande. Je vous commande de nettoyer tout les plans, tout votre barrage. Je vous commande maintenant. Elle ne vous sert plus. Elle ne vous sert plus. C'est votre fin. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin. C'est votre fin. Vomis tout. Vomis tout. Tout, tout. Tout poison. Tout poison peut être amené à son femme. Tout. Vomis tout, tout, tout. Vomis tout. Tout, tout poison peut être amené à son femme. Elle vous sait plus. Elle vous sait plus. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande aujourd'hui là. Je vous commande aujourd'hui. Elle vous sait plus. Son corps appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui se corps. Frère Yao, elle allait de prendre les forces. Cet esprit allait d'appeler, faire des invocations. Commande à cet esprit de lâcher son corps maintenant. Commande lui de lâcher son corps. Je vous commande encore de lâcher sa tête, tout son corps, tous ses membres appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande. Je vous commande. Je vous commande maintenant. Nom de Jésus. Je vous commande. Au nom de Jésus. Je vous commande. Au nom de Jésus. Je te commande maintenant. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Libère-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Je te commande. Je te commande maintenant. Libère-la. Tout esprit impur. Tout esprit impur, tout esprit démoniaque. Je vous commande maintenant là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de la mer. Nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de la mer. Nom de Jésus-Christ. Je vous commande. maintenant. Je vous commande maintenant. Nom de Jésus. Je vous commande maintenant. Nom de Jésus. Je vous commande maintenant. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Libère-la. Au nom de Jésus. Je te commande maintenant. Nom de Jésus. Je te commande maintenant. Nom de Jésus. Je vous commande. Tout esprit démoniaque, tout esprit impur, tout esprit nouveau, ce corps-là n'appartient pas. Je vous commande aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-la. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Maintenant, lâche-la maintenant. Je te commande. Je vous commande maintenant. Sors d'elle. Sors maintenant. Elle vous appartient pas. Il vous appartient pas. Je vous recommande tout pour quitter votre famille. Je vous commande aujourd'hui la main. Dans le nom puissant de Jésus qui nous arrête de quitter cette famille ne vous appartient pas. Dans cette famille appartient à Seigneur Jésus qui nous arrête. Je vous commande maintenant. Tout esprit impur. Je vous commande maintenant. Sors de ce corps-là. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Je vous commande. Je vous commande maintenant. Je vous commande, ça dit. Sors de ce corps. Sors maintenant. Je vous commande. Mais quittez la famille, je prie la race. Cette famille ne appartient pas. Cette famille appartient à Seigneur Jésus de la Rête. Cette famille va servir Jésus-Christ de la Rête. Cette famille va servir Jésus-Christ de la Rête. Elle vous sert plus. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Tout esprit démoniaque. Tout esprit impur. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. De quitter ce corps maintenant. De quitter ce corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sors maintenant. Je te comprends. Sors maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors de corps. Libre de corps. Je te comprends aujourd'hui. Tout esprit de l'homme. Tout esprit de l'homme. Tout esprit de l'homme. Je vous commande maintenant. Je vous commande. Je vous commande maintenant. Je vous commande de quitter ce corps. C'est votre fin. C'est votre fin. Je vous commande. Je vous commande maintenant. Tout esprit démoniaque. Tout esprit impur. Je vous commande maintenant. Quittez-la. Quittez-la maintenant. Quittez ce corps maintenant. Je te commande. Quittez-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te commande maintenant. Sors de ce corps. Libère-la. Sors maintenant. Tout esprit de Nazareth. Tout esprit démoniaque. Tout esprit démoniaque. Je vous commande tous au nom du Jésus. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. Je vous commande maintenant. Dis-le moi maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Je vous commande maintenant. Elle ne vous sert plus. Aujourd'hui, c'est votre fin. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. C'est votre fin aujourd'hui. Tout esprit impur. Tout esprit démoniaque. Je vous demande maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De ne plus m'arrache. Libère-la maintenant. Lâche-la maintenant. Maintenant la main. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la encore à toutes les trains. Quitte-la encore. Laisse-le corps. Quitte-la. Quitte-le corps. Laisse-le corps. Non. Elle ne m'appartient pas. Lâche le corps. Lâche. Lâche le corps là. Elle vous sert plus. Elle vous sert. Elle vous sert plus. Elle vous sert plus. Elle vous sort plus. Je vous commande maintenant. Son corps appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son corps est le temps de Dieu vivant. Son corps appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la! Au nom de Dieu! Lâche le corps! Lâche ma tête! lâche le corps, au nom de Jésus Christ. Lâche le corps, au nom de Jésus Christ. Je te commande maintenant, au nom de Jésus Christ. Je te commande maintenant, au nom de Jésus Christ. Et le nom puissant. Maintenant, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus Christ. Je t'ordonne, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Je vous commande maintenant là. Maintenant. Je vous commande maintenant. Pour esprit démoniaque. Je vous commande maintenant. Frère Yao. Je vous commande maintenant. Oui, mon frère. Maintiens ces deux pieds au niveau de sa cheville. Tu commandes à tout esprit de chien. Ça, c'est l'esprit de chien maintenant. Commande à l'esprit de chien de la lâcher rapidement. Rapidement, celui-ci va. Oui. Oui. C'est deux pieds au niveau de la cheville. Comment cet esprit s'est quitté? Tout esprit de chien. C'est pas compliqué, en fait. Arrête ses pieds. Arrête ses pieds au niveau de sa cheville. C'est deux chevilles avec tes deux mains. Tu commandes à cet esprit de chien de la lâcher. Rapidement, rapidement. Il peut s'arrêter. Oui, arrête ce pied. Arrête ce pied au niveau de sa cheville. Te maintiens et puis tu commandes. Attrape ces deux pieds au niveau de sa cheville. Tout esprit de chien, je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Tout esprit de chien. Je vous commande maintenant de la lâcher maintenant. Je vous commande maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Tout esprit de chien, je vous commande maintenant de la lâcher maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Tout esprit de chien, je vous commande maintenant. Vous m'entendez? Je vous commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Tout esprit de chien, tout esprit de malade. Tout esprit de chien, je vous commande maintenant. Je te commande maintenant. Je te commande. Je te commande. Touche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche le corps. Lâche-la. Tout esprit impur. Je vous commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arrête. Je te commande. Lâche-la. Touche le corps. Lâche-la maintenant. Je te commande maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de chien. Tout esprit de chien. Esprit de chien, je te commande maintenant. Libère ce corps. L'esprit de chien, libère-la. Je te commande maintenant. Frère, Yao, tes deux mains. Attrape ses pieds avec tes deux mains. Une main sur un pied, une autre main sur un autre pied. Attrape les deux pieds avant de commander. Toi, esprit de chien, je t'ordonne de quitter ce corps maintenant. Allons-y. Toi, esprit de chien, je vous commande de quitter ce corps maintenant. Je vous commande maintenant, tout esprit de chien, je te commande, je te commande, je te commande maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant, tout esprit de chien, lâche-la maintenant, quitte-la maintenant, je te commande maintenant, lâche-la, esprit impur, tout esprit de chien, quitte-la, lâche-la maintenant, tout esprit démoniaque. L'esprit de chien, je vous commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Je vous commande maintenant. Tire-la. Lâche-la. Tire-la. Je te commande maintenant. Je t'entends maintenant de quitter. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Tire-la. Je te commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, arrête. Je te commande maintenant. Je te commande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, arrête. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je l'arrête. Quitte-la. Quitte-la. Bon. Je t'entends de la lâcher. Lâche-la. Quitte-la. Je te commande. La sœur, c'est tout. Mets la caméra sur elle. Mets bien la caméra. Incline l'ordinateur sur elle pour qu'on puisse voir comme elle est au sol là. Incline bien. Incline. Voilà. Continue mon frère. C'est bon. Toi, continue. Je vous parle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, arrête. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la encore maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Je t'entends de quitter là maintenant. L'esprit de chien, je t'entends maintenant. Quitte-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je l'arrête. Je te parle maintenant. Quitte-la. Lâche-la. maintenant. Toujours là, elle vous appartiendra. C'est un fait, aujourd'hui. C'est un fait, aujourd'hui. Je te commande, aujourd'hui. Je te commande, aujourd'hui. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je te commande. Tout esprit démoniaque, tout esprit de chien, je vous recommande aujourd'hui même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Dis-la. Dis-la maintenant. Dis-la maintenant. Je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant. Tout esprit impur. L'esprit de chien. Je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te commande maintenant. Dis-la. Dis-la maintenant. Dis-la. Dis-la. Dis-la maintenant. Lâche ton corps. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Je te commande maintenant. Je te commande maintenant. Va, va-t'en. Lâche avec toi. Je te commande maintenant de quitter là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Je t'entends maintenant. Je t'entends. Tout esprit est pur. Tout esprit démoniaque. Tout esprit de Dieu vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Vous allez lâcher maintenant. Lâche maintenant. Et le nom puissant de Jésus-Christ de la reine. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Dis-la maintenant. Dis-la. Dis-la maintenant. Dis-la. Dis-la. Lâche-la. Je t'entends dans le nom puissant de Jésus-Christ de la reine. Dans le nom de Jésus-Christ de la reine. Je te commande maintenant. Dis-la. Dis-la. Dis-la. Dis-la. Dis-la. Dans le nom de Jésus-Christ de la reine. Je t'entends. Mais quitte le nom de la reine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de la reine. Dis-la maintenant. Dis-la. Dis-la. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de la reine. Elle ne vous appartenait pas. Elle vous appartient au Seigneur Jésus-Christ de la reine. Son corps est le temps de Jésus-Christ de la reine. Je vous entends de quitter ce corps maintenant. Je vous entends maintenant. Je vous entends. Maintenant, tout esprit impur. Tout esprit démoniaque. Tout esprit impur. Je vous commande maintenant. Vous la lâchez maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche maintenant. Lâche-la. Allonge-la. Je vous le donne. Tout esprit démoniaque. Tendez-lui les mains seulement maintenant. Tendez-lui seulement les mains. Vous ne parlez pas. Tendez les mains tout simplement. Tendez seulement la main. Maintenant, il va quitter. Tendez juste la main. Tendez la main. Tendez la main, c'est bon. Tendez la main, tendez la main, tendez la main. Ça parcourt son corps là. Assez, assez, on va aller chercher de l'eau à boire. Elle est épuisée, elle est épuisée. Ne lui donne pas encore, ne lui donne pas encore, ne lui donne pas encore. Ne lui donnez pas encore, ne lui donnez pas encore, il s'en sort, c'est ce qui est la sorte. Paul vient en Goran, appelle la demande, lui, comment lui laisser lever. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande de se lever. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Dis-lui, elle est libre. Dis-lui, elle est libre, elle est forte maintenant. Faites-la s'asseoir. Donnez-lui l'eau à boire. Elle est vraiment forte. Là. Quand elle va s'asseoir, elle va se fatiguer encore davantage. Elle va se fatiguer. Là. Donnez-lui l'eau à boire. Aidez-la lui donnant. Elle est fatiguée. Même sa main ne peut pas tenir là. Doucement. Voilà, ça va. Oui. Ma soeur. Côte d'Ivoire dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse, vous les frères qui avez prié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il lui faut beaucoup de repos. Il lui faut beaucoup de repos. Soyez concentré ici. Il veut causer avec elle. Soyez concentré sur elle. Soyez concentré. Où est la soeur à ce tout là? Viens vers elle. Il veut qu'on cause. Oui. Tu es là? Oui, je suis là, ingénieur. Assieds-toi à côté d'elle. Je vais te parler. Tu vas lui parler comme ça. Si elle est fatiguée, on va la laisser parce qu'il veut qu'on parle de ça. Ça va? Voilà. Regarde là, comment elle est, vous la trouvez, comment elle est forte, où elle est faible, elle peut parler. Elle dit oui, mais c'est pas trop sur la même quoi. Ouais. Elle est là. Et je peux parler par elle. Sa famille est consacrée à l'esprit des eaux et elle est particulièrement, elle remplace une reine. Elle, c'est comme ça qu'elle était quoi. Elle comprend. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Donc c'est comme si elle est empruntée à partir des eaux. Elle est enfant emprunté. Elle est empruntée. On est venu demander, on l'a demandé des eaux et on lui a redonné dans les eaux. Dites-lui ça, dites-lui pour qu'elle entende ça, c'est ce qu'on lui dit. Écoutez, on t'entend un peu mal. Oui, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Vous m'entendez? La conscience est un peu bizarre. Allô? Abidjan, vous m'entendez? C'est difficile. Allô? Vous m'entendez? Oui, un peu, oui. Voilà. Quand on est enceinte de cette femme-ci, de cette soeur que je vois, on est allé vers les eaux pour demander. On cherchait l'enfant, on est allé vers les eaux pour elle. C'est ce qu'il dit. Demande-lui. Ah oui. C'est ça, non? Bien, quand il y a un homme qui monde, elle allait demander où est-ce qu'il t'a donné. Il a demandé à nous pourquoi. Il est ouf. La sœur dit que c'est pourquoi il passe un moment de l'implication d'un rocher. De quel sort de rocher où coule l'eau? De l'eau. De l'eau, de l'eau, voilà, de l'eau. Quel sort de l'eau? Maintenant ça va, ma sœur, tu es libre et tu as été coupé de ces esprits-là. Amen. Elle dit quoi? Qu'est-ce que ma soeur dit? Elle dit amen. Elle en joue seulement. Très junior. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle dit elle n'a jamais voulu comme ça. Bien les nuits. Qu'elle n'a jamais vomi comme ça. Comment elle a fait aujourd'hui? Elle a vomi dans le seau comme que j'ai dit tout à l'heure là. Oui. Qu'est-ce qu'elle a vomi? C'est comment? C'est bizarre. Ah, bizarre, j'ai bien voir. C'est bizarre. C'est qu'elle a vomi, c'est bizarre. Ouais. C'est très bizarre. Maintenant, elle va sentir son intérieur libre, libre, libre et léger. Parce que c'est ça, déjà libre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui. Maintenant, frère Olivier et frère Yao, en quittant là-bas, imposez-lui la main, vous consacrez son âme au Seigneur Jésus. Vous soumettez son âme au Seigneur Jésus. Son sang. Le sang de Jésus. Amen. Seulement au nom du Seigneur Jésus. D'accord. Amen. Faites-le, faites cela maintenant. Amen. Fermez le. Je m'en vais là où Jomanès se trouve. La femme qui est assise au fond là, qui est en jaune, qu'elle s'approche de l'écran, je vais lui parler. Celle qui est assise. Frère Jomandé, vous m'entendez? La femme qui est en jaune là, qu'elle n'arrive pas ici. D'accord. Qu'elle se tienne debout. Qu'elle se tienne debout. Touche exactement là où elle se trouve. Voilà. Tiens-toi juste debout là. Il y a beaucoup de bruit chez Diomandé là. Frère Olivier, encore. Frère Diomandé, coupe ton micro d'abord. Frère Diomandé, coupe ton micro. Fini d'abord ici parce que c'est trop de bruit chez toi. Il y a trop de bruit chez toi. Oui. Toi, tu m'entends. Reste debout. N'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur, d'accord, ma chère? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, frère Olivier Angora, imposez la main sur cette sœur-là. Vous soumettez son âme et son esprit et son sang particulièrement au Seigneur. Soumettez-la entre les mains du Seigneur. Voilà. Soumettez-la entre les mains du Seigneur. Que... Oui. Oui, comment son visage? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyant guerrier, vous êtes des guerriers d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère Olivier Angora et le frère Yao, la sueur a coûté couler sur tout. Si vous, vous avez coulé la sueur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Que Dieu vous bénisse vraiment. Maintenant, coupez votre micro. Vous, maintenant, coupez votre micro. Je me tourne de l'autre côté de la salle, là, de l'autre côté d'Abidjan. Oui, coupez le micro. Je me tourne de l'autre côté maintenant. Frère Jomandé, ouvre le micro de ce côté-là. Gardez que les enfants ne babaquent pas parce qu'il veut causer avec celle qui est debout là. Parce qu'on va prier pour elle. Elle a besoin de prière. Frère Jomandé, ouvre le micro. Voilà. Comment tu t'appelles, ma soeur? Bonjour. Bonjour, frère. Tu te souviens de moi bien, bien, bien, n'est-ce pas? Oui. Comment ça va depuis? Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça se passe? Non, souvent, j'ai des douleurs. Qui peut lui imposer les mains là-bas dans la maison là? Qui? Où est le frère Diomandé là même? Il sait seulement manger les arachides. Il mange les arachides. Où est le frère Diomandé? Frère Olivier, frère Diomandé, tu manges seulement les arachides là quoi? Arrête les deux mains de cette soeur là, on va prier. Arrête ces deux mains. Attrape ces deux mains. Attrape les deux mains. Arrête là. Oui. Bon, ne prie pas, d'accord? Ne prie pas, c'est moi qui vais prier, d'accord? D'accord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Calmez les enfants là-bas, calmez les enfants. Il y a un garçon derrière qui bavarde particulièrement. C'est comme ça qu'il dort la nuit là, il bavarde. Calmez les enfants. Il y a des enfants juste derrière. Voilà. Frère Diomandé, tout simplement, seulement ta main seulement. Je veux seulement que ta main soit vraiment sur elle. Il ne sent pas ta main. Tu as arrêté. Tu as attrapé sa main, mais je ne te sens pas avec sa main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Tu as entendu cette voix, je te commande de quitter son ventre. S'il vous plaît, faites-le sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte le ventre de cette jeune femme. Cette femme. Au nom de Jésus, tu entends bien ma voix. Quitte le ventre de cette femme. Quitte son ventre. Faites sortir la personne qui a l'enfant, sortez avec cet enfant. Frère Diomandé, ça ne te concerne pas. Toi, concentre-toi ici. Au nom de Jésus de Nazareth, faites sortir avec cet enfant, s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth. qui le vent de cette femme? Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Laisse maintenant sa main, elle attrape son ventre elle-même maintenant avec ses deux mains là. Toi, reste debout aussi, reste debout, reste à côté d'elle, oui, c'est bon. Suivez-la, d'accord? D'accord. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Frère Diomandé, sois concentré sur elle, sur elle. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu entends ma... Faites sortir. Il y a l'enfant qui baba là. Quitte son ventre. Tu entends ma voix. Tu entends cette... Je te commande de quitter sa voix. Son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu entends bien cette voix. Quitte son ventre. Allez, 1, 2, 3, allez, c'est parti. Quitte son ventre, c'est parti. Allez, allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-la bien, frère Diomandé, qu'elle ne se fasse pas mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre. Maintenant. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu entends bien la voix. Je te commande de quitter son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme maintenant. Quitte-la, quitte-la. Jésus de Nazareth. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Vous la lâchez maintenant. Tu la lâches. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez avec ce garçon. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Toi, esprit des ténèbres, je te commande maintenant, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Tu ne peux pas résister. Elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartient pas plus, c'est terminé.

Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Frère, j'ai demandé, mets ta main gauche sur sa main qui est sur son ventre là, mets ta main gauche. Voilà, tout simplement là. Merci. Merci, que Dieu te bénisse. Sors! Laissez-la vomir au sol, vous allez essayer par la suite. Laissez-la vomir au sol. Sors! Je te ordonne de sortir d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Allez, allez, allez. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors. Allez, sois tes poisons, sois tes poisons. Sors-moi ça, sois ce que tu mets sur la poitrine. Sors. 1, 2, 3, allons-y, c'est parti. Sors. Sors ça, tu ne restes pas dans son corps. Sors. Sors. Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ses reins et sors de sa poitrine. Maintenant, tu entends cette voix. Sors! Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ta poitrine maintenant. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche ta poitrine. Lâche sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, Dieu m'a demandé, mets ta main droite sur son dos. Impose-lui seulement la main droite. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Au moins maintenant, j'ai été récent sur elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-la maintenant, frère. Lève-la, lève-la, lève-la. C'est terminé. C'est terminé. Lève-la. Doucement, doucement, doucement. Doucement. C'est terminé. Faites-la s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Abidjan, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La salle là encore, s'il y a quelqu'un là-bas, quel problème? Qui est en bleu ici? La dame qui est en bleu. Ah. Ça va, madame? La tête, c'est la dame. La deux dames en bleu. Comment tu... Elle a peur? La tête en bleu, la deux dames en bleu. Non, celle-ci, celle qui est devant, pas celle qui est derrière. Toi qui est derrière, ancien, toi tu n'as pas de problème là. C'est celle qui est devant. Elle a peur. La soeur qui est debout, elle a peur. Non. Elle a peur. Tu as pas peur? Non. Non, non. Pendant qu'on priait pour celle qui était en jaune, là, quelque chose t'est passé dans tes pensées. Qu'est-ce que tu disais par rapport à toi? Bon, il y a pensé à mon cas. Comment, ma soeur? Il y a pensé à mon cas. Oui, il dit, qu'est-ce que tu pensais par rapport à toi? Tu penses que, est-ce que le Seigneur peut faire ça aussi pour toi? C'est à cause, oui, de, oui, c'est à cause de ça que je t'ai appelé. Oui, oui, il y a pensé à... Voilà. Mets donc ta main droite sur ton ventre. Ta main droite sur ton ventre. Commande donc à ce qui est dans toi. Toi-même maintenant, commande que ça sorte. Toute puissance qui règne dans ma vie. Je commande que ça sorte. Allez, vas-y, toi-même. Toute puissance qui règne dans ma vie. Je commande que tu sors maintenant. Toute puissance qui règne dans ma vie. Je commande que tu sors maintenant. Toute puissance qui règne dans ma vie. ma vie, je commande que tu sors maintenant. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans ma vie, je commande que tu sors maintenant au nom de Jésus. Voilà, reste calme, reste calme. Reste calme maintenant au nom de Jésus. Oui, reste calme maintenant, ça va, ça va. Ça va, reste calme maintenant. La puissance a entendu. Reste calme, reste calme, reste calme. Laissez celle-là bien vomir, laissez qu'elle vomisse bien. La puissance du Saint-Esprit se trouve dans votre salle, là où vous vous trouvez. Le Seigneur vous aime. C'est le signe de sa présence. Il a dit quiconque invoque son nom sera sauvé. Amen. La puissance n'est pas finie, ça n'est pas fini d'agir sur celle-là. Ça va continuer. C'est fort vraiment sur elle-là. Ma chère, toi qui es debout, va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes. Va aux toilettes, c'est bon. Va aux toilettes, ma chère, va aux toilettes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Frère Yao et compagnie là-bas, bon appétit. Vous méritez vraiment de manger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez donc Abidjan, Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous voyez que la distance n'est pas une barrière pour le Seigneur, n'est-ce pas? Vous voyez que vous êtes sous son regard et qu'il vous voit, il vous, à quelque endroit que ce soit, séparé n'importe comment, il vous voit, n'est-ce pas? Faites-lui confiance. Il veut tout simplement que vous viviez dans la sainteté. Il veut tout simplement que vous viviez dans la sainteté. Amen. Dans la sainteté. Amen. Ouais. La connexion n'est pas bonne, véritablement. J'aurais souhaité causer avec le frère qui est tous à côté de Diomandé ici, là. Parce qu'on on a une indication, lui et moi. On va causer. Pas dans les verres, là. Ouais. Bon appétit. Mais frère, Yao, tout à l'heure, là, tu disais que le frère Diomandé mangeait. C'est toi qui manges maintenant. Tu es essoufflé, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse sous sa puissante main. Je vous laisse sous sa puissante main qui vous couvre de son ombre. Permettez-moi de travailler dans le main. Ce frère, s'il veut causer avec lui dimanche prochain, lorsque ça sera calme, d'accord? Et lorsque vous avez. Ce frère, je te le dis maintenant, ce que tu as vu là, c'est un signe pour toi, de la part du Seigneur. Ce que tu as observé devant toi, ça s'est passé devant tes yeux. C'est le Seigneur qui te parle avec ce signe là. Voilà. Le Seigneur te parle par ce signe, par ce que tu as vu là maintenant. Donc on va se voir dimanche prochain. Permettez-moi que je travaille avec ceux de l'Allemagne et ceux du Cameroun. Vous me permettez? Oui, Côte d'Ivoire dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Raccrochez alors, raccrochez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en Côte d'Ivoire. Seigneur, que Simba manoya Simba nyonso. Alléluia. Mokonzi Simba likolo, a Simba pesé. O famisinga ikati na bonzambe. O pesinga bo moya bo santo. Yo singi singa ibendele ya balongi. Ndengeni nakauka maloba pe masanjo di pona yo mokonzi. Zolo kumis. Alléluia. Alléluia.